Voici votre bulletin régional. Les 8 et 9 août se tient le festival Les Pierres à chaud de Dodwell au parvis de l'église de Saint-Adolphe de Dodwell. En cas de pluie, les activités auront lieu dans l'église et le centre communautaire de Marbleton. Au programme, samedi 8 août, dégustation saucisses et bières de 17 à 20 heures et on présente Dodwell, une symphonie en son et lumière à 20h30. Dimanche 9 août, messe hommage aux familles et travailleurs de la mine de 9 à 10 heures. Décoration de chapeaux de 10 à 10h30. Parade de chapeaux à 10h30. Et activité familiale de 11 à 14 heures. De 13 à 22 heures le 8 août, une fête communautaire est organisée pour les résidents de Screstown. Ouverture des festivités à 13 heures au parc derrière l'école Saint-Paul. De 13 à 17 heures, activités sportives et diverses compétitions. Une cantine est ouverte sur place. À 19h, danse, musique diverse au parc Walter McKenzie. En cas de pluie, l'événement sera reporté au 15 août.